Oh, attention, 3 février 2017. 3 février 2017. Oui, madame. Et petit oiseau, venez, venez. C'est bientôt errance canadienne. Surtout les pigeons voyageurs. Oui, c'est ici. Non, mais faut, ils ont pas de GPS. Petit pigeon, pigeon. Les pigeons de nuit. Je sais, il y a des gens, attendez. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des papillons de nuit. Ils ont raison, il y a aussi des pigeons de nuit. Allô, venez, venez, petit pigeon. Allô? C'est nous! Les terriens! Vous avez quelque chose de supérieur à nous, c'est que vous pouvez voler. Quoique, il y a des crapules au Québec, puis même ailleurs dans le monde, qui font la même chose, mais plus bas. Ça vole, ça vole, ça vole bas. Mais là, c'est pas le temps de dire ça, il faut dire le 3, le 3. Le 3 fait le mois, le reste le défait. 3 février 2017. Bientôt, mon petit pigeon, ça fera pas mal. Monte le volume et hume la différence. C'est parti. Oh, le pigeon arrive, on sent la crotte. C'est parti. Mais chez... Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Je n'ai pas eu de ballon rouge. Allô? T'as-tu des ballons rouges, Raymond? Appelle-nous, Raymond. Attends un peu. Je trouve pas le téléphone. Mais ça commence très bien. Pas de téléphone, mais je l'ai localisé. Il est. Choque-toi pas. Sois calme. Ton public est là. Présent. Ce serait bien ce soir de prendre toutes les présences de nos auditeurs. Alors, vous levez la main lorsque je vous nommerai par votre prénom. Pas les noms, là, ça peut être long. Puis en plus, c'est souvent, hein, ils ont été divorcés 5-6 fois, ils ont fait des enfants, ils ont changé du rocher tremblé, le mieux grenier. Puis, ça finit plus. Ça demande de la salive aujourd'hui pour annoncer les enfants à l'école pour savoir s'ils sont présents. Professeur, je vous respecte énormément. Mais la peinture à l'huile, c'est bien difficile. C'est plus beau, la peinture à l'eau. Parce que tu peux l'effacer, mais en tout cas, ça n'a rien à voir, je le sais. Il n'y a pas grand-chose qu'il y en a à voir. Non, on n'a pas à voir. La voir. C'est bien d'avoir de la voir parce que notre société fonctionne sur la voir. T'as pas d'avoir, t'as pas d'avenir. Amène ça de la voir. On va voir là-dedans si on peut piger pour enrichir notre société. Ça, c'est le gouvernement provincial fédéral, là. Travaille, mon crotté! Puis on va te prendre l'argent dans tes poches. Tu vas voir la main gouvernementale rentrer dans ta poche, là. On te la chatouillera pas, là. On va te la piger, on va t'arracher l'argent. T'as pas fini de travailler, mon espèce d'insignifiant. T'as voulu être au monde. Souffre maintenant. Machiavel! On sait c'est qui Machiavel, là. C'est pas quelqu'un là, d'ésotérique, c'est pas quelqu'un que l'on cherche un peu partout. Il est provincial. Ah non, ça vient les deux. C'est pour ça qu'à un moment donné, arrête-moi les deux, puis on va voir un Machiavel. Puis prendra dans notre poche francophone québécoise, puis on sera heureux, là. On va même se virer la poche à l'envers. Donc, regarde, je te dis, j'ai plus une scène, man. Hey, j'ai plus une scène, mon ami. Mon ami, je travaille 8 jours par semaine. 28 heures par jour. Regarde-moi les poches. Moi, je suis pas un joueur de poche. Moi, quoique je paye un peu aussi pour me faire jouer. En tout cas, ça, mais c'est pas ça, là. Arrête de me piger dans la poche. J'ai plus de scène. Ça n'existe plus, la noire, ma noire. Ça n'existe plus, la noire, ma noire. Ils l'ont enlevé, la noire. Ça coûtait une scène et demie à faire une noire, ma noire. Fait que, hey, ça prend pas n'importe... Hein? Ça prend pas un comptable agréé et désagréable. Ça te demande juste une petite source lumineuse. Dans le fond de ta pensée, pour te dire que... Si ça te coûte une scène et demie pour faire une scène, on va l'arrêter de la payer la maudite scène et demie pour une scène à chenoute. Puis au moins, on sait que les gens qui travaillent à reproduire de l'argent sont jamais arrêtés 30 secondes pour faire des scènes noires. Hey, man, hey, attends, à l'époque où ça fonctionnait, là. Hey, attends, attends. Oh, hey, on va arrêter les 100$. Les gens trouvent ça douteux là, quand on imprime des 100$, des 50$, des 20$, des 10$, des 5$. On va se lancer dans la scène noire. Es-tu malade? Ça va nous prendre une vie entière pour s'enrichir avec des scènes noires. Ça prend juste des pouilleux de gars de droite. Oh, de gars les gars de non, mais la gauche, la droite. Hein? Tout extrême se rejoint la main. Tout extrême se rejoint la main. C'est pas celle-là que je veux chanter, moi. C'est une chance. C'est quelque chose d'assez lourd. Quoique un ballon, c'est assez léger en même temps, dépendant avec quoi on l'a gonflé. Et non, madame. Non. Je vous l'ai dit depuis une semaine, je me dégonflerai pas. Je chanterai cette chanson-là. Mice Echo, s'il vous plaît. Mice Echo. En tout cas, mettez l'écho, Mice Echo. Oui, écoute, cet hiver, là, je suis venu en bicycle, en bicyclette. Puis là, moi, je place des pneus d'hiver là-dessus, un banc chauffant, mon trou de pétre, c'est, écoute, il est comme la marmite. Thierry la marmite, tu connais Thierry, le comédien Thierry la marmite? Lundi prochain, si tout va bien. Pernel est une ordure. Dîner de con. Thierry la marmite, lui. Ça fait qu'on va aller avec la chanson. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances seul, face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes, quoique j'ai joué aux filles. Quand j'étais gosse dans mon quartier, j'étais cloué à ma famille, comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seul, face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. Marquis de Sade, divan. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Les filles n'étaient pas du voyage. Quand j'étais gosse dans mon quartier, elles vivaient de leurs avantages, elles étaient tous syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles les carrosses, le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. Je n'ai rien demandé, j'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Non, tu veux reprendre, oui. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, quand j'avais déjà de la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que tout le monde pensait. et je n'ai pas eu, et surtout je n'ai pas vu dans l'histoire, quelques guerrières ou quelques rois. C'est pas des guerrières, c'est des guerriers! Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerres ou quelques rois assoiffés de règne ou de gloire qui soient plus orgueilleux que moi. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Pam, pam, pam. Et là, le pan-pan-pan, là, les gens ce soir agrafés, gisant sous leur radio, quand on gît, c'est en dessous, hein, gisant sous leur radio, vont se dire, c'est de Renault, ça. Tantantant, mais non, c'est pas de Renault. Ça n'a jamais été de Renault, ça, là, là. Rapidement comme ça, pour les amateurs de chansons francophones. Pas francophones, francophones, c'est... Mais d'aventure, c'est ça, c'est Serge Lama! Imaginez-vous, je l'ai repris beaucoup mieux que lui, là. C'est ça l'intérêt. Pendant toute sa vie, il a chanté les ballons rouges. Il a fait de l'argent sur son misérabilisme. Il y en a partout de même. Puis j'ai absolument rien contre. Quand tu quittes ta copine, mon ami, écoute pas de la musique qui va t'arracher le cœur. Des Francis Babel ou des Gerge Mamol. Le grand Gerge Mamol qui nous dit souvent « Tu verras, c'est maintenant que tu comprendras. » Mais on comprend jamais. Puis c'est surtout dans le milieu de la métaphore. Quand on va dans la version supérieure, quoi qu'il y a la variété, c'est bien la variété, là. Pendant ce temps-là, je cherche mon gazou. Monsieur Gazou, jouez pour nous. Oh, il est là, non. C'est un crayon. Est-ce que je joue du crayon? On m'a-tu appris à jouer du crayon dans mon élan? Dans mes cours de musique? Hein, non, jamais. On peut même bégayer en gazou. Moi, j'ai une formation en bégayage. Pas en verbe bégayer. Bégay. C'est moi. Rénal bégayage gagné. Mais. Puis je tiens à dire à tous les bégayeux, les gens qui souffrent de cette malformation, je sais pas, c'est une malformation. Oui, c'est intellectuel, OK. Mais on prend souvent les bègues pour des idiots. C'est vrai. Parce que on a de la difficulté à prononcer, à dire un mot. Ça, je sais, c'est récurrent dans mon émission que j'en parle. Là, j'allais dire que c'est récurrent, que j'en parle régulièrement. Quand c'est récurrent, normalement, c'est régulier, là. Ça va bien? Ah, oh, oui, là, oh, oui, je peux pas dire le contraire. Ça va bien. Ah, oui, ça va bien. Oh, je mange mes 3 pas par jour. Non, j'ai la chance, hein. Je mange mes 3 pas par jour. Mes selles sont consistantes. Ça va bien, ça va bien. Mon médecin me dit, continue à être heureux. Je suis tellement heureux depuis que j'ai les selles consistantes, moi là. Non, mais écoute, ça peut être une problématique. J'ai appris ça sur les internets. J'ai pas compris ça sur mes intestins. Ça glisse partout. Puis j'en ai suis un coup, moi, là. Hein. J'ai un an, c'est intestino. Puis les pierres à feu, c'est dino. Puis moi, c'est intestino. C'est tellement petit que. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est pas micro. C'est petit, mais ça. Quand ça part, hein? Moi, je me dis, non, mais c'est fini, moi, là, le gris, là, sur mes murs, c'est terminé. Arrête les québécistes, mec, le tout Paris ne comprend pas. Mais le tout Paris, c'est qui le tout Paris? On est assez querelle. Ben ouais, c'est le tout Paris. oui, c'est à parier que c'est des gens brillants, intéressants, et qui cherchent la nouveauté, et qui sont comme des conquérants, fiers. D'écouter ce qu'ils écoutent. Ben là, c'est, écoute, je crois que on va arrêter d'écouter, là, mais je m'imagine, garçon, que ça ne va pas, mon cher ami. Non, mais écoute, faut monter en haut. Puis à un moment donné, ben, écoute, il faut descendre pour aller chercher, puis remonter, mais... Ça, c'est le mythe du Sisyphe. On le dira pas, vous le connaissez, je vous le radote continuellement. Sinon, comment vas-tu, toi? On s'intéresse tout le... Je trouve qu'avec les années, là, plus ça passe, plus ça glisse. Non, mais c'est sûr. Quand tu passes trop vite, j'ai vu un gars. Il y a quelques minutes avant de faire mon émission, avant de me brancher, là. J'ai fait ma marche de réflexion afin de me dire où vais-je avec Errance Rinaldienne? Serais-je à la hauteur? Mes concombres, est-ce que je dois cultiver mes concombres maintenant? Mais t'as raison, mon Raymond! Faudrait que tu pèles pendant au moins 15-20 minutes! Puis tes concombres là, sont comme. C'est ça! Revenu rechercher l'intérieur. Heureusement, je remercie mes amis intraterrestres. Je remercie à 17-18 minutes mes amis intraterrestres qui réchauffent mes concombres d'en dessous pour que je les récolte ce printemps. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui font des jardins uniquement l'été parce qu'ils ne sont pas amis des intras. Moi, écoutez, je vous en parle régulièrement de mes intratestins. non, mais des vrais intras qui habitent en bas. Pas en bas de mon entité, mais en bas de... Oui, en bas de mon entité, exactement. Savez-vous comment ils sont? En dessous de nous. Là, ça me rappelle une petite histoire quand je suis allé à Champion. Comme tout champion, on va à Champion. Tout près de Reims. Dans la ville de Champagne. On marchait. Puis notre interprète. Non, on parlait français. Donc notre tutrice, voilà. Nous dirigeait. Puis là, vous marchez et sous vos pas se cache 1 million de francs français parce que c'était bourré de bouteilles de champagne. Bourré. Les bouteilles étaient bourrées, ça se tapait ensemble, ça se débouchonnait. Puis « Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Ouais. Il y avait comme des tremblements de terre, puis il nous le disait là, avant de... Faites attention, ça se peut que vous sentiez comme le pétillement sous vos pas. Mais faites-vous-en pas, c'est la grande fête, en... c'est la surbombe. Ça, là, puis là, ils sont là... Je pense qu'ils font des appellations, des contemplations, des recueillements et surtout un lien direct avec le ciel. Pour ça, ça coûte cher le champagne. C'est pas donné le champagne. Mais c'est tellement intéressant quand ça te rentre dans la gloutte. Hein? Dans ta gloutte. La gloutte. Il y a pas des gens qui ont fait des cours en médecine ici, devant nous. La gloutte. Je sais qu'il y a eu la gourloute des années dures, mais la gloutte, c'est comme si vous prenez un... Vous faites de la patate frite. OK, disons vous faites de la patate frite. Donc, vous devez mettre de la friture. Il y a un pot dans lequel vous avez versé. Vous avez versé un pot dans un boilon, pas dans un boilon, mais dans une cuve. Vous avez allumé le feu. Là, les frites sont prêtes. Et là, vous devez remettre l'huile. Remettre l'huile. Mais c'est ça. C'est ça. C'est le cône. C'est le cône. Et moi, c'est le con. Rénal le con. Le conquérant. Non, non, pas le con. Le conquérant. Moi, là, hey. L'important dans la. Quand tu fais de la conspect, quand tu erres, c'est de trouver quelque chose. Dans les rangs, si tu trouves rien, c'est déjà bien parce que tu as marché pour marcher. Puis c'est pas important s'il y a rien, puis s'il se passe pas grand-chose. Mais l'intérêt de marcher, c'est de voir tout ce qui se passe. Ça dépend à quelle heure. Moi, je vous conseille, là, quand le soleil n'est plus là, la noirceur arrive, hein, son drap. Il nous couvre. Là, il est pas gêné. Ben, hey, veux-tu avoir ma cape? Oh, ça, c'est la nuit qui parle. La cape nocturne? Eh oui, la cape nocturne. On a quand même 500 pieds de couverture. Puis vous voulez passer en dessous de ça puis regarder partout? Ah, s'il te plaît. Ben, OK, c'est VIP. Ben, pourquoi c'est VIP? Hey, t'es assez cohérent? Oui. Et Rassénadienne? Oui. Le soir? Ben là, on peut dire la nuit, là. Il est minuit 22. Oh, c'est la nuit? Ben voyons. Je t'apprends pas que c'est la nuit. Non, j'aime ça avoir l'air surpris. Ça surprend la clientèle. C'est vrai, t'as raison. J'étais moi-même un peu surpris. Un peu, ouais, mais toi, parce que t'es très intelligence. Ah, très intelligence, ah oui. L'intelligence cool. Ah non, ça, c'est pas la même affaire, là. Va te raconter. Tu sais, quand tu prépares un repas, ça te dérange pas de placer les assaisonnements. T'assaisonnes, malgré la saison. Printemps, été, automne, hiver, il n'y en a pas de problème. On va en mettre en... Ouais, tu vas voir. Donc là, tu as un steak. Tu mets de l'épice à steak. Tu mets du sel. Pas nécessairement à steak, mais du sel. Puis là, tu sais que rendu au poivre, là... Il va se passer quelque chose parce que t'es très sensible. T'es comme au début de l'émission. Là. Il y a un niveau, là. L'aspirateur, là, ça prend pas... C'est juste une pouf! Bon. Ça fait que là, tu places le poivre. En truculant un peu, en ayant l'air un peu professionnel. Même un peu. En ayant l'air professionnel, tu... Et là, tu vois quelques grains qui s'élèvent. Un peu comment ça s'appelle? Genie qui sort de sa bouteille. Hey, là, tu vois le poivre. Ah non, ce que tu veux pas, c'est que ça t'arrive dans le nez. Tu es devant des convives. Des convives. Ils vivent, mais ils sont cons de vivre. C'est pour ça qu'on l'appelle... Tu t'invites pas des intellectuels. J'ai des convives, mais c'est pas grave. Regarde. C'est pas tête à Papineau, ça, là. Wow, c'est des cons. Mais là, tu vois, les grains. Les grains grimpent. Hein? Quand t'es un grain, tu grimpes. Si tu sais pas ce que ça veut dire grimper, deviens pas un grain. Non, j'allais dire, oh non, non, pas de censure ici, mais je le dirai pas non plus parce que je veux pas couper. Je veux faire une émission direct. Donc, on va oublier ça. Puis sinon, vous, les enfants, hein, c'est pas facile le mois de février, là. C'est étrange parce que dans ce mois-là, c'est le plus court, mais pour le Québécois, la majorité des Québécois, c'est le plus long. Cette année, c'est quoi? C'est 27 au 28? On va regarder. Attendez, mon vieux. Moi, j'ai l'appareil le plus vieux au monde. Comme ça, automatique. Non, je ne veux pas automatique. Je vais juste vérifier. OK, ouais, c'est ici. Lecteur, je sais, les gens le savent, mais calendrier, mensuel, pas de mensuel, pas de résultat. Bon, pour les gens qui ont suivi, plutôt, bon. Février 28! C'est un mardi, 28. Mardi 28. La fête à maman, c'est le mardi 7. Mardi 7. Mardi 7. Mardi 7. Mardi 7, toi, là. Ils payent même pas leur billet, ces petits enfants-là. Quoique, des enfants de 22 ans, c'est plus des enfants, là. C'est des ados retardés ou des enfants recalés. Quand tu recales, mon ami, tu recules. Fait que, ouais, wash, wash, wash, va-t'en, va-t'en. Ah ouais, en plus, j'ai payé un comment t'appelles ça, donc? Pas un plombier? Ben oui, un plombier, parce que le jour, il est plombier, mais le soir, il est portier. Alors, j'ai payé un portier. Ah ouais, portier, déporte-moi ce monde-là. Ils sont pas capables. Pas capables, c'est pas dans mon vocabulaire, moi. Pas capables, moi, c'est capable. Capable de la banqueroute. Capable de détruire, capable de ne rien comprendre, capable de ne rien saisir, capable. Je suis capable de rien. Mais c'est au moins capable. C'est mieux être capable qu'un incapable. Tu descends moins vite. Mais si c'est les autres qui te le disent, ben, pas grave. Mais si c'est toi, là, ben, oh, pas facile. Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Et pour nous chatouiller l'oreille après autant de discours hors normes, et pour ne pas dire « Toi, tu fais dans la fabulation? » Non, moi, je fais dans l'humour. « Ah oui, tu fais dans l'humour? » Je fais aussi dans mes shorts, mais ça, c'est... Demain matin. Demain matin, Montréal matin. Non, on appelle ça, c'est quoi? C'est de l'absurde. Mais là, il y a quelque chose de pas absurde qui va nous arriver aux oreilles pour notre plus grand plaisir. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de... Non, il y a une chanson. Mais pour moi, il y en aura ce soir 3. Puis je vous invite après à rencontrer mon ami que j'ai vu à Paris. En direct, là, comme je vous vois pas, là, tu sais, mais là, je le voyais. C'est merveilleux, l'existence. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous, Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes, mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Un petit animal que ça. Melody Nelson. Une adorable garçonne. Et si délicieux enfants. que je n'ai connu qu'un instant. Les chrysanthèmes sont des fleurs pour les corps refroidis. va bien quand tu dors. L'autre est un mot, les chants de l'âme d'aurore. Tu n'aimes pas, moi j'adore. Aujourd'hui, merci Jane, aujourd'hui, le vendredi 3 février 2017, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos... Gestion. Ah, mais j'ai un gros problème de gestion, mais quand je mange de la patate graisseuse, puis 2-3 rouleuses, ah, mode, la rouleuse, ça, c'est les roteux. Les rouleuses dans le pain, saucisses, on sait même pas d'où ça vient, ces saucisses-là. C'est des saucisses étranges venues d'ailleurs. Combien sont ces saucisses? Laissons sur la voie. Hein, les valises? C'est tellement... C'est rempli de saucisses! C'est aux douanes, haute surveillance, ça passe pas, cela, là! C'est des mets, c'est de la nourriture! T'as caché nos nourritures, mon cantin, tu vas payer! Ah non, sont très... au début, ça dépend à quelle douane tu passes. À Vancouver, là... à Terre-Neuve, les douanes de Terre-Neuve. Il y a des affaires qui se passent, là. Oh, monsieur! En tout cas, mon ami... Pour la dernière fois, malheureusement, nous racontera encore. En fait, la suite, pas encore, mais la suite. Parce qu'encore, c'est de relater à nouveau. Donc, mon ami Franck Masse va continuer à discuter avec nous de son univers, son monde, et surtout sa personne qui est quand même très, très intéressante et vous allez l'entendre, totalement exceptionnelle. Surtout son parcours. Et finement, vous allez vous accrocher sur son rire qui est contagieux. Franck, Reynald, c'est à vous. Reynald, c'est qui ce Reynald? Frank Reynald? Oh non, c'est Frank Reynald. Frank, ce serait bon comme un acteur, Frank Renault. Non, il me semble que ça a déjà été fait. Tout a déjà été fait. La roue, le macramé, le velcro, l'aimant, pas la main, l'aimant, celle qui. Ben, la chose qui colle. On peut l'appeler aussi mon ancienne copine. Mais là, on s'arrête parce qu'on vous le présente, mon ami, pour la troisième et dernière fois, malheureusement. Ben, c'est pas la troisième fois qu'on présente, c'est des parcours, hein? C'est des césures. C'est la troisième césure et la dernière. Donc, allons-y. Errance Rénaldienne, CKRL, Franck et Rénald. Le tapis rouge est déroulé. L'émission peut commencer. Mais c'est à mon regard, ça fait au moins une quarantaine de minutes que tout est frais. Tout est frais et tout est prêt, la preuve. Which automatically buys c'est des gens qui ont des problèmes, qui viennent discuter. À qui tu veux parler quand il est 2h du matin? Ben, tu vas voir le commis. Chao Pantin, là, Bon, Coluche, c'est en plein ça. On est en plein là-dedans. D'accord. Et c'est Monsieur Tout-le-Monde qui cherche à vivre. Et j'ai des. Écoute, il m'est arrivé des choses. Un jeune homme de 18 ans qui voulait se suicider, qui est venu parler, tout ça. Il s'est quand même suicidé. Mais sa mère est venue me remercier parce qu'il y a eu un délai de 3 semaines. Mais moi, j'avais rien à dire, j'ai juste écouté. Donc, c'est ça. J'ai travaillé là 28 ans. Et là, depuis quelques. 9-10 mois, je suis ailleurs, dans à peu près le même milieu. Et moi, avant tout, j'ai une formation en création littéraire, philosophie, cinéma, à l'université. Donc, j'ai écrit des nouvelles, de la poésie, des récits. Ce qui me plaît, c'est la sonorité, donc beaucoup de radio, beaucoup de trucs un peu plus underground. J'aime bien aussi créer l'imaginaire à travers ce qu'on voit pas, que la personne se forme. Quelque chose. Donc, mais ça, j'aime pas ça parler de moi parce que je veux pas faire de montage. Les gens l'ont attendu plusieurs fois. Là c'est le moment où ils vont pisser, ils vont chercher une bière. Donc, l'intérêt, moi, c'est de proposer, parce que moi, c'est de l'absurdité qui me plaît. C'est le côté absurde de mon propos. Non pas ici, mais dans mon studio. Ouais, non, parce que là, il n'y a rien d'absurde. Non, je comprends. Et donc, moi, c'est les mots qui amènent les idées. Quand j'ouvre le micro, je ne sais même pas qu'est-ce que je veux dire. Mais si ma feuille, si j'ai une feuille et elle tombe, ça peut partir pendant 15-20 minutes. Et je peux aller n'importe où. J'ai des personnages qui viennent entrecouper l'émission. J'ai un magnéto qui va redire une même phrase pour m'agacer. Et c'est moi qui l'a fait. Là. C'est moi qui a pris le magnéto, qui a enregistré un mot en disant Ouais. Là, quand je commence à parler, le personnage qui est toujours connaissant. En fait, c'est quasiment de la performance que tu fais, quoi. C'est très proche de la performance. Ben, c'est de c'est de l'impro. C'est quelque chose qui peut pas. C'est du délire. Et j'adore le délire. J'adore quand je referme le micro et que je passe à mon invité, une chanson, invité. De me dire, oh ouais, le jour où je ne pourrais plus aller loin, je vais arrêter. Et quand je me surprends encore, c'est ça qui est intéressant, se surprendre. C'est ça la création aussi. C'est de se dire, quand tu vois la pièce jouer, de, ah ouais, comme si c'était plus toi. C'est ça. Mais que c'était autre chose et que c'était ton enfant, l'enfant que tu aimes au monde. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir après plusieurs années, un autre peut le reprendre autrement. En faire un court-métrage, en faire n'importe quoi, mais ça peut même devenir une comédie musicale, tu sais pas. Toi, tu proposes et les gens disposent. Les gens, c'est le public, mais c'est aussi d'autres créateurs. Ça peut être un truc de marionnette, ça peut finir en marionnette générale, on sait pas. Nous on lance une graine, mais on sait pas comment l'arbre va se développer. Et là, j'ai 10 questions de la fin. Ah, d'accord. Ben oui. Si tu étais, parce que les trois premières, je les sais par cœur. D'accord. Alors, j'ai rechaussé mes lunettes. Là. Pourquoi? C'est moi qui lis. Non, vas-y. mais ça te permet de réfléchir. Voilà, ça okay. Me permet de réfléchir. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, je serais un pinot gris. Gris? Ouais. C'est un pinot gris, c'est un cépage. Ok, oui. Que c'est le vin que je préfère. Ok. Le pinot gris. Ah, bois-tu souvent? Non. Pas autant que j'aimerais. Okay, ouais. Parce que c'est coûteux. C'est très doux. Ok. C'est très féminin comme vin, en fait. Non, mais le prix, c'est très cher, c'est pour ça? Ah, le prix, oui. Ok, oui. C'est pour ça que tu peux pas en boire aussi souvent. Oui, peut-être. Oui, je sais pas, oui. Si tu étais une ville. Oh, bah. Paris. Je ne peux pas vivre sans Paris. Paris, mais consubstantiel. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette ville-là? Ben écoute, ça fait 25 ans que j'y vis. Ça fait 25 ans que je suis émerveillé par là où j'habite. Ça fait 25 ans que je traverse la Seine pour aller au Louvre. Ça fait 25 ans que je vois le vert galant, les perspectives, la lumière, iriser les façades de la conciergerie, scintiller sur la Seine. Je suis émerveillé par Paris. Je vis Paris, c'est, je ne peux pas vivre sans Paris. Je peux pas. C'est inspirant. Elle est consubstantielle. C'est, je sors de Paris, je m'arrache un bras. Mais vraiment, c'est un membre, c'est ma peau. Pourquoi tu veux venir à Québec? Et c'est pour suivre ton amoureux. Ah oui, mais je reviendrai pas de toute façon. Après, je vais avoir beaucoup de liaisons. Mais je pourrais pas rester définitivement à Québec. Enfin, si je viens, je pourrais pas à Montréal. Est-ce que c'est un projet ou c'est quelque chose de... C'est un projet. Okay. C'est un projet. Okay. Voilà. Mais tu risques de... On verra. Okay. Ah, toi, t'es comme ça, tu laisses aller? Non, je construis, mais je sais... J'ai des envies, j'ai des objectifs, et je les construis. Et puis ça vient, tant mieux, ça vient pas, tant pis, on passe à autre chose. Si tu étais une langue... Si j'étais une langue... Je préfère ça, c'est une langue de cochon. Ouais. Parce qu'il adore les cochons. Ouais, je sais. Bah, j'allais dire, je serais la langue des signes, parce que les signes sont tellement. On peut tellement parler avec le moindre signe, mais c'est dans le sens ambigu du terme, pas dans le sens polysémique. La langue des signes, donner des signes. Des signes de colère, des signes d'amour, des signes de compassion, des signes. Voilà. Tu connais sans doute Pierre Santini? Oui. Je l'ai rencontré hier. Ouais. Grand bonhomme. Ouais. Un homme intéressant. Ouais. Ouais. Ouais. Juste te le dire, d'accord. Si tu étais une époque. Ah, si j'étais une époque. Hein. Je suis pas du tout mélancolique, je suis pas du tout nostalgique. Mais je pense que j'aurais aimé vivre totalement, pleinement. Mes 45 ans à la lisière des années 70-80. Voilà. Let's go. Non, tout était possible. Okay. Voilà. Il n'y avait rien encore de sclérosé. Il y avait encore cette idée de la liberté. Aujourd'hui. Et du possible, non. Elle y est. On l'apprend. C'est réaliste. C'est objectif. Hein. Mais la liberté, ça se conquiert. Hein. Ça se conquiert tout le temps. Ça se prend. Si tu étais un mot. Un mot. A. Ok. Parce que c'est la première lettre, c'est une lettre éclatante. Et c'est aussi ça permet de montrer soit l'appartenance ou la direction. Ah. Et même la manière dont la forme du os se propose. Ah, je voyais pas comme ça, moi. Okay. Je le voyais écrit à la main. Ah, tu vois? Ok. Voilà. Okay. Je voyais pas une espèce de triangle, là, ouais, le ça, tipi. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Où les mots se cachent en dessous pour... Ah, c'est joli. Ah. Ah. Oh, oui. Ah. C'est ce qu'on dit quand on fait l'amour, quand on est heureux. Oui. Quand on est surpris. Quand on est surpris. Et puis c'est une lettre. C'est probablement la première chose que les enfants disent. Ah, voilà. Voilà. C'est vrai. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment. Bah, tu vas rigoler. Mais je crois que je serais du tzatziki. Parce que ça fait 20 ans que j'en mange tous les jours. Moi, c'est du spaghetti que je mange tous les jours. Ah, oui. Et est-ce que tu la prêtes autrement ou t'es vraiment. Non, je ne mange que ça tous les jours. Enfin, je mange ça tous les jours et je ne prends qu'une seule marque de tzatziki. Okay. Ah, enfin, ça... Alors, tu es en vidéo, ouais. Si tu étais une saison. Si j'étais une saison. Ah, parce bah, que je... ça passe pas aux douanes en passant. Ah, bah, oui, bah, je pense que je serais. Je pense que je serai le printemps. La renaissance. La renaissance perpétuelle. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu cherches aussi dans ton écriture, le renaître constamment? Moi, je suis oui, dans une espèce de flux et d'élan perpétuel. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. Escalade les jardins en escalier, sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero, Bonifacio. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Mm-hmm. تبقى حال ارواح معنا تبقى نوات تمشي معنا تبقى حال ارواح معنا تبقى نوات تمشي معنا تبقى حال ارواح معنا تبقى نوات تمشي معنا تبقى حال ارواح معنا تبقى نوات تمشي معنا تبقى حال ارواح معنا تبقى نوات تمشي معنا تبقى حال ارواح معنا تبقى نوات تمشي معنا تبقى حال ارواح Donc l'élan, c'est le printemps. Alors t'es dans la pulse. Non, non, je suis pas impulsif, pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un d'impulsif, pas du tout. Si tu étais un membre corporel. Oh bah je serais une bite. Une little bite. Ah non, une bonne grosse bite. Ah ouais. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Ok. Si tu étais un moment de la journée. Le crépuscule. Pour la beauté Non, parce que là, alors c'est. Pour moi, tout se dilate. Le silence se dilate, l'espace se dilate, les présences se dilatent, l'acuité se dilate. Et on passe du visuel à quelque chose de très sensoriel. Et le crépuscule, c'est extraordinaire. Merveilleux. Si tu étais un moment de la journée. Ben, c'est ça. Ah, excuse-moi. Si tu étais un autre individu. Non, j'étais pris dans si j'étais un autre individu. Oui. Ah, il ben, faudrait que ce soit un chip type. Hein. Alexandra David-Neal. Voilà. Parce que c'est une femme, parce que c'est une femme qui s'est battue, parce que c'est une femme qui a exploré, parce que c'est une femme qui s'est construite en dehors de tous les préjugés. Elle a fait le tour du monde, elle a rencontré des gens extraordinaires. Et je pense que c'était une femme riche. Et je pense qu'elle a, elle devait avoir des yeux extraordinaires, cette femme. Parce qu'avec tous les paysages qu'elle avait pu voir, ouais, quelque chose, une femme, ouais. Ah non. Ouais, peut-être elle. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? J'aurais souhaité comprendre des choses plus vite. Voilà. Un certain nombre de choses. En même temps, ce que tu as appris plus lentement, en fait, ce que tu es actuellement. Bah oui, de fait. Mais. Mais tu aurais passé à autre chose pour. Non, mais par contre, ce qui est très bien, c'est que. Tu peux. La dernière question, c'est quoi? Est-ce que tu aurais. C'est quoi la. Tu peux reprendre la dernière question? Oui, avoir choisi. Est-ce que tu fais le même chemin? Ouais. Je vais juste répondre au fait, enfin, je vais un peu biaiser, mais je dirais que je suis très heureux d'avoir mon âge aujourd'hui. J'ai 45 ans et c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça te donne d'avoir 45 ans qu'est-ce que ça te propose que les autres périodes de ta vie te donnaient pas? Ah, de la douceur, de la bienveillance. Tu n'étais pas avant, tu étais moins doux, tu étais. J'étais plus angoissé. Là, je suis plus. Zen? Non, je suis plus ouvert, peut-être. J'essaye. Est-ce que tu crois que c'est à travers le théâtre que tu t'es ouvert, à travers pas que. Ta création? Pas ou que. C'est les gens qui t'ont rencontré avant? Les gens. les gens et le fait d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait envers et contre tous, j'aurais préféré le faire avec et pour tous. Et qu'est-ce qui se prépare pour toi là, dans les mois, les années à venir? Est-ce que tu projettes ou tu vis au jour le jour? Non, j'ai deux créations que je mène. Oui, ben seule la pièce muette. La pièce muette, ouais. Est-ce que c'est comme ça que tu veux l'amener? Ou... Non, cette pièce s'appelle... Non, mais comment tu vas la présenter? C'est pas pièce visuelle. Ah, visuelle, ok. Visuelle. Donc il y a cette pièce visuelle-là, il y a des étapes de construction, il y a des résidences au 104 à la entrée. Oui, très très belle. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, des créateurs qui sont là au 104. Ouais. J'en ai rencontré Albin de Simone, qui est un chanteur intéressant. Ouais. Et puis un autre projet d'écriture in situ. En fait. Oui, c'est ce que j'ai vu à la fin de ta vie. Ouais. Oui, en fait, j'ai écrit des textes in situ. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle compagnie que j'ai fondée, qui s'appelle La Patience des Volcans, elle a pour siège Asnières-sur-Seine, qui est une petite ville de banlieue parisienne, qui est située à 10 minutes de la gare de Saint-Lazare, qui est une des gares principales de Paris. Et j'ai un projet que j'ai proposé à la mairie. En fait, il s'agit en fait d'aller dans des lieux de la ville. Ça peut être des squares, des gares, des HLM, des centres commerciaux, des zones pavillonnaires. Et avec un ami dramaturge, qui s'appelle Yann Allégret, on vient écrire in situ pendant 10-15 jours des textes. Ensuite, on les... Oui, chacun ses textes, voilà. On écrit à deux mains chacun ses textes. Et on les enregistre en voix off. On a un travail de montage, voilà, enfin de précision des textes. Et ensuite, on les fait écouter aux gens qui habitent directement dans le lieu, comme une espèce de cadeau. Parce que souvent le quotidien il efface les choses, on ne les voit plus. Et le fait de venir. De voir des gens qui n'ont aucun rapport avec. Exactement, ça permet de percevoir des choses qui se sont érodées au fil des jours, de faire apparaître des choses que peut-être les gens n'ont jamais vues, de leur faire découvrir un pan qu'ils n'ont pas perçu. Et puis le fait d'être dramaturge, peut-être qu'on a aussi une façon de présenter les choses qui auront une correspondance ou pas avec les gens qui y habitent. Et l'idée, c'est d'offrir aux habitants des textes impressionnistes allongés sur des transats avec des casques sur les oreilles. Et voilà, et c'est tout, c'est ça. Est-ce que c'est la mairie qui fait appel à vous ou c'est... Non, c'est moi qui fais appel à la mairie. C'est moi qui ai proposé le projet à la mairie. Et c'est de là que les budgets se... Ah ben là, je suis en construction de budget. OK. Voilà. Et tu en as déjà encore... En as-tu proposé ou si c'est tout nouveau, il n'y a rien de fait encore? Ah non, toutes les choses sont en train de se construire. Non, il n'y a rien de fait encore? Ah non, le dossier est préparé. L'écriture est en cours d'élaboration. Et j'écris sur le square qui est en face de chez Olivier, parce que l'Olivier, ouais. C'est le siège de la compagnie chez lui. Parce que moi, j'habite à Paris. Oui. Et juste devant chez lui, il y a un square. Et donc j'écris sur le square. Voilà. Mais vous n'êtes pas en résidence, un endroit fermé pendant quelques jours à écrire. Là. Vous non, parce que l'idée c'est de traverser les lieux, peut-être d'écrire. C'est très difficile d'écrire dans la rue parce qu'on est perturbé, ouais, l'écriture a besoin d'une espèce de silence et d'introspection. Ouais. Voilà. Alors, on peut écrire aussi dans un bar, voilà, mais on est un petit peu isolé. Ouais, ouais. Mais dans la rue, comme ça, avec une table, c'est pas très bien. Mais on peut faire ça chez soi, il peut venir à la maison écrire. Donc la maison va se transformer en atelier d'écriture. Mais vous ne parlez pas avant. Chacun dans son coin et... Ah oui, on élabore nos textes, chacun dans son coin. Et vous vérifiez après le travail de chacun? On vérifie, on le... D'abord on l'entend, on voit ce qu'il y a à garder et puis... Après, il y a tout un travail de voix qui va être posé sur les textes. Et voilà. Mais pourquoi tu l'as choisi, lui? Est-ce que c'est... Ah, c'est un auteur génialissime. Génialissime. J'ai jamais vu... Je lis pas mal. Je lis beaucoup. Et je n'ai jamais lu une écriture comme la sienne. Son écriture me bouleverse. On a l'impression que tous les mots tombent à point nommé, comme des gouttes d'eau à la surface d'une eau. Ça tombe une espèce de choses, mais c'est d'une douceur et en même temps c'est implacable. Et surtout, cet artiste, il a une voix qui est... Une voix grave ou une voix... En fait, il fait résonner les mots de façon très spéciale dans sa bouche, et on a l'impression qu'il prenne... C'est comme un son qui envahirait tout l'espace d'une cathédrale. À sa voix. Qui prenne sens. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est incroyable. Lay, lay across my big breast bed. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he hands you a dime.

did I put my monkey? Where did I put my wife? Where did I put my sock? I left it in the back of my ship. Where did I put my eyes? Where did I put my piano? Where did I put my dog? I left it in the back of my ship. Ce mec est incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu prévois dans les années à venir? Est-ce que tu travailles sur d'autres parcours? Oui, parce que je travaille aussi avec un collectif d'amis. On monte des expositions d'art contemporain dans un lieu d'art contemporain privé qui est dans les Côtes d'Armor, qui s'appelle La Tannerie, et on monte des expositions chaque année. Et là, on prépare une monographie d'un artiste plasticien qui travaille la lumière, qui qui travaille avec qui a été un des premiers collaborateurs de Jean Nouvel, okay, oui, qui s'appelle Yann Kersalé. Yann, il a été reconnu, entre autres, pour avoir mis en lumière le pont de Normandie entre Le Havre et Honfleur. Il a également créé une espèce d'irisation lumineuse de la tour Akbar, qui est une tour en forme de concombre. En fait, on dirait un phallus qui a été construit par Nouvel en plein cœur de Barcelone, et en fait qui est, pendant la nuit, irisé de sortes de nuées de lumière colorées qui viennent iriser les 360 degrés de cette colonne. C'est une espèce de kaléidoscope mouvant qui crée des formes ondulantes qui sont exceptionnelles. Enfin, on a l'impression d'une espèce de feu d'artifice silencieux qui viendrait poudrer une surface d'un édifice contemporain. C'est merveilleux. Voilà. Et il vient créer une installation chez nous. On sent en tout cas en t'écoutant la passion. Ah, ben c'est gentil. La passion de la création, la passion aussi des autres créateurs. Tu deviens émerveillé lorsque tu vois les autres. Alors, t'es un bon spectateur. Je sais pas. Parce que normalement, on a nos défauts lorsqu'on a des formations. On dit, ouais, mais oui, hein, il me semble que la couleur n'est pas juste, ou il me semble que le ton n'est pas. Ouais, moi je reste. Pour les gens que j'aime, oui. Il y a des artistes que je ne saisis pas, que je ne comprends pas. Mais c'est pas non plus une raison pour dire que c'est pas bon. C'est pas parce que tu ne comprends pas que. J'ai changé. Je me garderai de porter des jugements auprès de personnes que je n'aime pas. D'abord, je ne citerai pas de nom. Parce qu'ils ont leur public, ils ont leur raison d'être, voilà, mais qui ne correspond pas à ma sensibilité, voilà. Mais ils ont le droit d'exister, quoi. Il y a du théâtre que je n'aime pas du tout, mais qui a tout à fait le droit de siéger dans le paysage du théâtre. Voilà. Écoute, Franck, oui? Si tu passes à Québec, je t'invite à CKRL, ah, oui? On fera des directs. D'accord. On fera quelque chose ensemble. D'accord. Ça risque d'être, pourquoi pas, amener tes passions. D'accord. De la chanson, de la musique. Et... Ah ouais, j'aime bien ça. Ce serait bien de se consacrer une plage horaire en direct de CKRL. Donc tu m'as dit entre la 3e avenue et la 4e rue. Oui, excellent. D'accord. C'est ça, c'est en plein cœur de la ville. D'accord. En plein cœur de Limoilou, qui est un secteur urbain. Comment tu dis Limoilou? Limoilou, L-I-M-O-I-L-O-U. Limoilou. Limoilou. Donc c'est le quartier chaud, c'est ça? Au coin de la 3 ou de la 4, c'est le quartier un peu moins chaud, mais qui était très, très underground il y a à peu près 10-15 ans. D'accord. Il y a trois centres chauds. Il y a ce coin-là. Ouais. Il y a aussi, à Place du Hauteville, ça c'est la Haute-Ville. Ouais. Tu vas voir le château Frontenac et ouais, tout ça. Ouais. Ça, il y a une zone de prostitution là. D'accord. Ah, c'est ça que tu appelles les endroits chauds? D'accord. Ben oui, c'est les endroits où les gens viennent chercher quelque chose d'underground. Ouais, enfin, je viens de chercher du plaisir, quoi. Oui. Du sexuel. Oui. Tarifé. Et autre aussi, parce que... De la drogue ou des choses comme ça. À un moment donné, il y a quelques années, il y a des touristes montréalais qui s'arrêtent à l'endroit où je travaille. Ils me demandent, est-ce que je connais une prostituée? Une petite souris? Non, une prostituée. Ah, j'ai compris ce que j'ai, une petite souris. J'ai compris une petite souris. Une petite souris. Ben, j'en connais plein de petites souris. J'ai dit, va voir à un endroit précis. Hein, hein. J'ai dit, mais moi je fais attention, hein, parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui, il y a certaines là, qui ne sont pas très, très solvables. Et ils m'ont dit, non, mais c'est pas pour ça, parce que je vais avoir de la cocaïne. Donc j'ai dit, c'est quand même pas fou, hein. J'ai fait un lien après ça. Ok, c'est pas parce que tu vas avoir une prostituée, c'est parce que tu vas avoir la dose. Donc c'est ça, il y a quand même. Québec n'est pas le centre de l'underground. Ouais. Parce que c'est une petite ville quand même, c'est pas Montréal. Montréal, c'est. Il y a même une rue Sainte-Catherine, un peu comme la Pigalle, de sex shop et tout ça. C'est la foire au sexe. Mais ça, c'est. Dans chaque grande ville, il y a ça. Ouais, mais... Et je t'invite à CKRL, est-ce que tu seras capable? Ah bah écoute, avec un grand plaisir, merci de m'avoir... Ça fait plaisir que tu aies accepté. Mais en même temps, c'était déchirant, hein? On pouvait pas à un moment précis. Et... Non, mais là, je suis désolé. C'était un peu impromptu. Ouais, non, c'était ça, parfait. Ça a bien fonctionné. Moi. C'était parfait. Oui, j'ai quelqu'un qui pouvait pas parce que sa fille est malade. Mais... D'accord. Et donc là, tu enchaînes une autre interview tout à l'heure? Oui, là, je rencontre un musicien, un bassiste. D'accord. Qui a travaillé avec Manu Negra et tout ça. D'accord. Et j'ai rencontré un comédien hier, j'en ai parlé. Ouais. Un comédien homme de théâtre, tout ça, on ne peut pas juste le confiner. Et qui est un homme, il venait de jouer Molière à Nantes. Ouais. Il habite à Paris, donc il a fait le trajet. Il devait rester une journée de plus à Nantes, mais juste pour moi. Wow. C'est touchant. Puis s'il est venu, c'est parce que j'étais québécois. C'est vrai. Et il avait passé à Montréal le festival du cinéma. Ouais. Et il m'avait raconté ça. Puis je connais très bien l'organisateur, tout ça, M. Lozé. Et c'est une belle carte quand tu es québécois. Bah ça. Oui, on est encore. Tant mieux si ça peut me lever des portes. Bah écoute, tant mieux. Oh oui. Hey, merci. Merci beaucoup Renal. Tu repars quand? Je repars samedi. D'accord. Mais je ne veux pas partir sans prendre des photos. Ah oui. Ah, tu prends une photo? Ah oui, d'accord. Des photos. D'accord. Et est-ce que tu pourras me donner une carte? Oui, ben oui. Parce que j'aimerais beaucoup... Oui, des cartes. Ah, super. Voilà. Super. On y va? Je retire mes lunettes. Oh, non, comme... Ah, non, ouais, je veux que tu les montres au moins. Ah oui, ben si tu veux. Après ça, tu les relèveras. D'accord. Ben, tu fais comme tu veux. Hein. T'en fais une avec et une sans, là? Oui. Plusieurs avec et plusieurs sans. Okay. Parce que je vais choisir, ok? C'est ça. On y va? Ouais. Okay. Avec le flash, tu vas voir, c'est bien. Est-ce que c'est anti-reflet? Oh, il est tout de changer. Ok. Dernière pour la route? Oui. Ok. Merci. Hey, merci, très gentil. Puis c'est moi qui paye. Ben, c'est gentil plaisir. Comme tout. Le plaisir. Puis bonne route, hein? Ouais, ben je vais rappeler Olivier. Okay. Il va venir me chercher en voiture, il a dû se balader. Là. Hey, le chauffeur privé, c'est quand même. Bah, il m'a amené, bah ouais, c'était un peu. Puis on s'embrasse. Ben oui. Si. On se voit à Québec, hein. Eh ben écoute, si l'occasion se présente avec plaisir. C'est très généreux. Bravo. Merci beaucoup. Hey, félicitations. Merci. Merci. L'écriture a besoin d'une espèce de silence et d'introspection, voilà. Alors on peut écrire aussi dans un bar, voilà, mais on est un petit peu isolé. Mais dans la rue, comme ça, avec une table, c'est pas très bien. Mais on peut faire ça chez soi, il peut venir à la maison écrire. Donc la maison va se transformer en atelier d'écriture. Mais vous ne parlez pas avant. Chacun dans son coin et... Ah oui, on élabore nos textes, chacun dans son coin. Et vous vérifiez après le travail de chacun? On vérifie, on le... D'abord on l'entend, on voit ce qu'il y a à garder, et puis après il y a tout un travail de voix qui va être posé sur les textes, hein. Et voilà. Mais pourquoi tu l'as choisi lui? Est-ce que c'est... Ah, c'est un auteur génialissime. C'est jamais vu... Je lis pas mal, je lis beaucoup, et je n'ai jamais lu une écriture comme la sienne. Son écriture me bouleverse.

I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Might have made some friends with some billionaires. We might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye bye John. Our love's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast, and in the blessed name of Elvis, well I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet, busted me for disturbing the almighty peace. Judge said what you got in your defense song. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. I can see by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.